Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Collin. Cinquième et dernier épisode. Après le suicide de son ex-mari, Norman, qui souffrait depuis longtemps de troubles psychiques, Hélène apprend qu'il était toujours le patient d'Albert, psychiatre et psychanalyste, son deuxième mari dont elle est en train de se séparer. Ils avaient pourtant décidé ensemble qu'Albert ne le suivrait plus médicalement. Elle découvre par ailleurs que Norman écrivait un roman à visée soi-disant thérapeutique qui va bientôt être publié. Albert lui avait aussi caché ce projet. Ouais, vas-y, porte plainte. Je suis furieux contre toi. Je voudrais que tu m'expliques. Rappelle-moi. Et même Albert, toujours. Tu fais quoi? Tu te caches? Je te croyais plus courageuse que ça. La femme que j'ai épousée n'aurait pas agi ainsi. J'arrive pas à me croire. Soit ou quoi? Décroche! Je vais te pourrir ton retendeur. Je vais te pourrir toi! Albert, j'ai bien écouté tes messages. Albert. Et j'ai lu ton mail. J'ai bien écouté tes messages. Et j'ai lu ton je mail. Je pense qu'il est préférable qu'à mon tour je t'écrive. À mon tour. Je suis trop abasourdi pour te parler de vive voix. Dans tes premiers messages, tu avais l'air fâché contre moi. Je ne comprends pas ce qui t'étonne dans ce qui arrive maintenant. Surtout, je ne comprends pas où est-ce que tu trouves ce culot monstrueux d'être énervé. Si j'étais une fille normale, je serais repassée chez toi après mon rendez-vous avec Eggelstein et j'aurais défoncé ton foutu petit nid d'amour à coups de baramine. Tu as de la chance que, un, je ne sois pas une fille normale et que, deux, je ne possède pas de baramine. Je t'ai aimé, Albert. Je préfère le préciser au cas où le sujet reviendrait sur le tapis. J'ai mis longtemps à comprendre que Norman ne s'en sortirait jamais. J'ai mis longtemps à comprendre ce que bipolaire voulait dire. Et puis, tu le sais aussi bien que moi, ce n'est jamais anodin de renoncer à ce qu'on a vécu, de se convaincre qu'une page a été non seulement tournée mais arrachée avec fureur. Tu m'as aidé. Je sais que c'est ce que tu voulais faire au début. Je sais aussi que tu voulais aider Norman, sans doute par amour pour moi. On a assez parlé de tout ça. Je ne vais pas remettre toute notre histoire en cause. Mais bon Dieu, cette idée que tu as eue, j'essaie de comprendre. Je te jure que j'essaie. Eggelstein m'a dit que ça avait commencé il y a un an à peu près. Autrement dit, à une époque où nous étions encore ensemble, où nous ne parlions pas du tout de séparation, où la dissolution de notre couple était encore un cauchemar irréel. Je repense à cette période et j'essaie de me dire que je ne suis pas l'imbécile heureuse que tout le monde semble voir en moi ces temps-ci. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ce projet? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais lui faire écrire un livre? Tu crois que je m'y serais opposée? J'ai lu Norman bien avant toi, tu sais. Et je vais même te dire, je pense que c'était une bonne idée. Je suis en train de m'imprégner du texte, Albert. J'essaie de comprendre pourquoi tu as jugé bon de me tenir à l'écart. Une question de fric? Dis-moi qu'il y a autre chose. Pour Hélène, chérie. Rappelle-moi. Agis, merde. Albert est dans tous ses états. Il dit qu'il t'a laissé 1000 messages. Il dit qu'il a sonné chez toi et que tu ne vois pas. Il sait que tu es là. Et blablabla. T'as écrit un mail. Est-ce que tu peux lire son mail? Si tu fais pas ça pour lui, fais-le pour moi. Pour nous. Je deviens invivable ici. Je veux bien dire ce qui se passe. Ce qui se passe. Ah, ce qui se passe, mon robe adorée. Il y aurait tant à dire. Je ne saurais pas par où commencer. Je suis en train de terminer la lecture du livre. Je suis en train de comprendre ce que Norman a essayé de faire. Je ne dispose pas des compétences scientifiques, philosophiques ou métaphysiques qui me permettraient de déterminer s'il est parvenu à ses fins. Peut-on vivre à l'intérieur d'un livre ? Peut-on mourir ici et vivre ailleurs ? Je me demande comment les critiques réagiront à ce livre. Je m'interroge sur les raisons qui ont conduit Eggleston à accepter de le publier. J'imagine que c'est un bon roman. Mais c'est aussi un livre comme il s'en écrit des milliers chaque année. L'histoire d'un type qui change de vie et qui perd peu à peu ses anciens repères. Sans doute c'est ainsi que les gens le liront. Et c'est ainsi qu'ils l'oublieront. Personne ne saura de quoi ce livre est fait. Bon, ouais, vous me laissez vous fermer la porte parce qu'il faut que je donne un coup de fil. Merci. Oui, Albert, bonjour. J'ai eu ton message. Oui, bah, excuse-moi de te rappeler que maintenant. Alors, pour répondre à ta question, non, évidemment que je ne suis pas fâché, mais... Bah oui, je me suis douté de quelque chose, j'avais pas non plus lui demander une pièce d'identité. Hein. Tu devrais te détendre par rapport à tout ça. Hein. C'était une connerie, voilà. Non, je dirais pas que c'était une connerie, c'est ton choix, ton histoire. Oui, bah c'est sûr que dans le contexte, c'était peut-être pas la chose la plus futée à faire. Hein. Non, non, bon, ça là-dessus, je peux te rassurer, elle a aucun droit contractuel. Moi, le seul truc que je crains, c'est qu'elle se mette à en parler. De quoi ? Oui, je sais que c'est pas le texte définitif, mais enfin quand même, si elle commence à faire un blog ou à balancer des extraits sur un forum quelconque, bah nous on sera bien emmerdés quand même. Hein. Bah oui, oui, bien sûr que ça arrive. Mais tu veux que je fasse quoi ? Que je lui envoie les flics ? Non, tu devrais pas prendre le problème sous cet angle. C'est vos affaires, c'est votre divorce, d'accord ? T'aurais quand même pu commencer par me dire qu'il avait été marié, hein ? Que tu lui avais piqué sa femme. Non, attends, je sais bien que ça s'est pas passé comme ça. Je te mettais en boîte, mais n'empêche. Attends, et puis un autre truc qui me turlupine, hein. Le personnage de la prostituée, là, l'histoire d'amour, quand il la décrit, quand même, c'est troublant. Plus que ça, même. Attends, je dis pas que ta femme se prostituait. Attends, deux minutes, je vais en recevoir un mail. Ouais, et ben c'est un mail d'elle. Ouais. Non, non, je déconne pas. Attends. Attends, ouais, c'est bizarre ce truc. Je te rappelle dans 5 minutes ? Ouais, je te rappelle. Ouais, à tout de suite. Cher monsieur, je voulais vous remercier. Cher monsieur, je voulais vous remercier encore une fois de l'entretien que vous m'avez accordé et du temps que vous avez bien voulu me consacrer. Que vous m'avez consacré. Je suppose que vous y voyez dorénavant plus clair. Non, je ne suis nullement la sœur de Norman. Quoi qu'il me soit à maintes reprises arrivé au cours des dernières années de me considérer comme telle, mais bien son ex-femme. Vous aurez aussi conclu, j'imagine, qu'étant donné la nature des liens qui m'unissent et à lui et à Albert Galloway, il m'aurait été particulièrement délicat de me présenter à vous sous ma véritable identité. Ce que je voulais avant toute chose, c'était lire le livre. Et je ne suis pas certaine qu'Albert aurait accédé à ma demande. Disons que je ne voulais pas prendre le risque d'un refus. J'ai donc menti, mais à culpa. Je suppose que cela me met à peu près à égalité avec mon futur ex-époux. Vous conviendrez avec moi que cela n'est pas si grave, et que j'avais toute légitimité à prendre connaissance d'un texte dans lequel mon autre ex-époux non seulement se mettait en scène, mais aussi me faisait figurer, quoique sous des traits passablement déformés, accompagné de détails intimes et douloureux relatifs à notre vie personnelle. Au cas où Albert aurait omis de vous livrer certains détails, voilà ce que je puis vous dire. J'ai rencontré Norman il y a 10 ans. À l'époque, je me prostituais pour payer mes études. Deux ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés et installés à New York, où, grâce à deux héritages consécutifs, j'ai ouvert une boutique de vêtements. Norman s'est établi comme chercheur et nous avons projeté de faire un enfant. J'ai été effectivement enceinte pendant 5 mois. Malheureusement, j'ai perdu l'enfant et j'ai failli en mourir. Des médecins compétents ont réussi à me tirer d'affaire, mais je ne peux plus en avoir désormais. La suite, vous la connaissez, je suppose, aussi bien que moi. Norman, qui avait souffert de troubles mentaux au cours de sa jeunesse, a replongé. Il a été pris en charge à plusieurs reprises, en hôpital de jour pour commencer, puis de façon permanente. Il a essayé plusieurs traitements plus ou moins inefficaces, et s'est enfoncé en des profondeurs où je ne pouvais plus l'atteindre. Et j'ai été forcée de mettre un terme à notre histoire, à sa propre demande. Il me semble important de le préciser. Albert est l'un des nombreux praticiens à s'être penché sur le cas épineux et spectaculaire de Norman. Pour ceux qui l'ont suivi, mon ex-mari constituait, je crois, un cas des plus stimulants. Vous n'avez pas eu la chance de le connaître, pas même de le voir une fois, mais c'était un homme d'une intelligence et d'une bonté absolument hors du commun. Ses périodes de délire, hélas, l'ont arraché à ce qu'il était et arraché à mes bras aussi. Lors de ces dernières années, pour dire les choses sans embâge, je ne le reconnaissais plus. Et je ne me place pas seulement au plan mental. J'avais l'impression d'avoir un autre homme en face de moi. Je ne l'ai jamais dissuadé d'écrire, loin s'en faut. En cela, j'ai sans doute ma part de responsabilité. On peut aussi considérer que l'idée, d'une façon ou d'une autre, devait venir de moi. Que l'histoire devait naître de moi et y revenir. J'ai lu le livre. Je l'ai lu 2 fois. Je sais manifestement des choses que vous ne savez pas. Je suis la seule à même d'interpréter certains signes, de déchiffrer certains visages, de comprendre la nature même de Canaan. Peut-on mourir ici et revivre ailleurs? C'est ce que Norman a fait, dirait-on. Cette petite ville minière, ce lieu fantasmagorique sans temporalité et sans règles, il en rêvait tout haut, je le comprends maintenant. Le travail de maturation avait commencé bien avant qu'il se mette à écrire, et sans doute à son insu. Je vais maintenant vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, et certainement pas à lui. Quelques heures après que notre enfant, parce que je le considère ainsi depuis toujours, quelques heures après que notre enfant a été arraché de mes cuisses, un médecin est entré dans ma chambre et m'a demandé si je voulais lui donner un nom. Rien ne m'y obligeait, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui sans en parler à Norman. Et aussi vrai que je me tiens là, assise sur mon lit, à vous écrire ce mail, il est strictement impossible que mon ex-mari ait pu connaître ce nom. Ils m'ont dit que c'était un garçon. Cela non plus, Norman ne pouvait pas le savoir, en aucun cas. Et pourtant, n'est-ce pas? Vous avez lu le livre comme moi. L'histoire du petit garçon dans le monastère. Le nom du petit garçon. Notre imagination est une rivière, n'est-ce pas? Elle prend bien source quelque part. Elle vient d'un endroit qu'elle ignore. Recevez, cher monsieur, l'assurance de ma très vague et lointaine considération. De me dire quoi au juste? Tu réalises que c'est dément? Tu crois en Dieu? Tout doux! Parce que selon toi, ce serait la même chose? Tu crois en la résurrection des corps? On n'est pas censé réfléchir à ça. On est censé accepter. Et puis c'est plus compliqué. Bah voyons. On peut croire à ça, voilà. Et on n'est pas censé croire que quelqu'un puisse s'enfuir dans un livre en se mettant en scène lui-même et tout ce qu'il a aimé et tout ce en quoi il croyait et ce à quoi il aspirait. Tu sais ce que ça représente, le pays de Canaan? Il me donne des nouvelles, Rob. Attends, je t'en prie. Je suis pas folle. Je te ferai lire le livre et tu me diras. Il me donne des nouvelles de là-bas. Tu sais ce que je cherche depuis 10 ans? Et toi, tu le sais? Mon fils. Je cherche mon fils. Oh, ça va, me regarde pas comme ça. C'est quelque chose d'intérieur, une évidence. J'ai jamais été plus loin que cette intériorité-là parce que je me disais que si je l'imaginais trop vrai, trop réel, la douleur serait insupportable pour lui comme pour moi. Tu m'as perdu, là. Tout le monde se perd à Canaan. C'est pour ça que personne n'y va. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Je suis sûre de rien. Je suppose que ça me rassure. Tu reveux un café? Bon, moi, j'en prends un parce que je crois que ça vaut mieux, là. Mademoiselle? Un café, s'il vous plaît. Merci. Je dis pas que j'y crois, hein. Je dis que ça existe. Et elle est où, la différence? Les choses existent sans toi, mon chéri. Les choses se meuvent hors de ta portée, en permanence. Je laisse à Norman le bénéfice... Hélène, Norman est mort. Et nous sommes morts pour lui aussi. T'as déjà songé à ça? Nous faisons match nul. Il est ailleurs, dans un endroit où nous ne sommes pas. Et si le livre ne sort pas? Un livre n'a pas besoin de sortir. Exister lui suffit. Amen. Je crois que je vais reprendre un café, finalement. Si tu savais à quel point je me fatigue. Mademoiselle, je peux avoir aussi un café, s'il vous plaît? Je vais te laisser, excuse-moi. J'ai des trucs à faire. Je suis rentrée chez moi. Le livre ne me quittait plus. Rob était parti en me laissant régler l'addition. Non, il n'était pas exclu que je me raconte tout ça pour aller mieux. Au minimum, c'était une histoire intéressante. Un homme m'avait fait un enfant. Cet enfant n'avait jamais vu le jour. À présent, l'homme à son tour s'enfonçait dans la nuit. Allait-il se retrouver? Est-ce que quelque chose de meilleur l'attendait quelque part? À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Depuis des jours, le narrateur gravissait la montagne. Délibérément, il avait perdu le compte des jours. Les sapinières avaient cédé le pas aux prairies, qui à leur tour s'étaient effacées devant les escarpements pierreux. Ses pieds étaient en sang. Il avait cessé de manger et ne buvait plus qu'à la source dont il suivait le cours. La nuit venue, il se recroquevillait dans un trou de roche et contemplait en frissonnant la dérive lente des étoiles. En bas, dans la vallée, le pouvoir des promoteurs s'étendait. Des hôtels sortaient de terre. Les pelleteuses ronronnaient pareilles à des fauves. Des grues rougeâtres tournoyaient contre le bleu du ciel. Tout cela lui était devenu indifférent. Ce qui lui importait désormais, c'était de savoir. De s'installer dans le savoir éternel comme on trouve enfin son lieu. C'est ce que lui avait signifié le manchot à l'aéroport. D'un juste regard. Il n'en prenait conscience que maintenant. Fais ce que tu as à faire. Un dallage de marbre noir, d'une épure tout orientale. Au milieu, la source enfin apaisée, dans le silence de la montagne. Le moine était là, qui me souriait. D'un geste, il me montra ma place, sous les ombres du passage voûté. Assis en tailleur, à même le sol, je plongeais mon regard dans le sien. J'aurais voulu y discerner un signe clair, quelque injonction impérieuse. Mais il n'y avait rien. Rien ni personne. Seulement lui et moi, et ce monastère tel un écrin aussi vaste que le vide, et le silence, et la neige au-dessus qui brillait, aveuglante sous le bleu du ciel. Pas d'enfant, rien que des portraits accrochés au mur, et un nom inscrit au frontispice, et Denis. Partout, un visage égal et souriant, rien que la certitude tranquille qu'il était là, partout, c'est-à-dire nulle part. Je m'avançais, mes pieds nus, endoloris, laissaient des traces d'humidité sur le sol de marbre noir, qui s'effaçait presque aussitôt. J'avais bu l'eau de la source et je me tenais là. L'éternité, c'était attendre. Attendre que rien ne se passe. Je m'assis, croisai les jambes, ouvris les mains. Je me tenais là, dans l'absence immense et sacrée de mon fils. Les sommets, les pentes de son absence. Et cette solitude était meilleure que tout. Plus forte que tout ce que j'aurais pu espérer en me trouvant à son côté. Si vous voulez connaître quelqu'un, quittez-le. Si vous voulez partager sa vie, laissez-le partir. Embrassez sa mort. Trouvez le courage de sourire au vide. Jamais le monde ne fut aussi peuplé qu'en ce moment, qui, telle une forme plongée dans un trou noir sidéral, s'étirait sans limite et sans fin. De douleur, il n'y en avait plus. Le sang et les pensées coulaient hors de mon corps, comme des larmes, en l'espace de ce temps aboli, à peine si ma poitrine se soulevait. Le moine était parti. Je me tenais là, immobile, sans peur ni jour, sans ombre ni désir. Je songeais à lui et Denis, à toi, Hélène, à ton visage, au moment très abstrait pour moi où tes yeux enfin se poseraient sur ces lignes, où ton esprit sentirait ma présence et en goûterait la qualité. À l'instant très simple, où ton cœur saurait que rien ni personne ne t'avait jamais vraiment quitté, et surtout pas moi, surtout pas nous. C'était Canaan Nouvelle Lointaine de Fabrice Collin. Cinquième et dernier épisode avec Catherine Tartarin, Hélène, Mathieu Létuvé, Norman, Éric Herson-Macarel, Albert, Laurent Cléry, Rob, Jean-Marc Laillé, Egelstein, et les voix de Blandine Baudrillard, Elsa Bosque, Élodie Vincent. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Dominique Massa et Antoine Huyose.